Revenons au mot appartement. Comment dites-vous l'appartement, l'habitation? Die Wohnung. Die Wohnung. Et l'habitude, c'est die Gewohnheit. Die Gewohnheit. Bien. Et habituellement, d'habitude, c'est gewöhnlich. C'est ça. Gewöhnlich signifie habituellement, d'habitude. Et pour dire qu'on s'habitue à quelque chose, on emploie le verbe sich gewöhnen. Sich gewöhnen, qui veut dire s'habituer. C'est un verbe avec sich. Tout comme le verbe français est un verbe avec se. S'habituer. Sich gewöhnen, c'est s'habituer. En français, on dit s'habituer à quelque chose. Et à votre avis, comment traduit-on ce petit à en allemand? Pensez à votre amie Anne. Sich gewöhnen an? Oui, c'est ça. Sich gewöhnen an. Et comment diriez-vous quelque chose dans l'expression s'habituer à quelque chose? An etwas? Oui, ou bien? Daran. Daran, très bien. Comment diriez-vous je m'y habituerai, c'est-à-dire je vais m'habituer à cela? Ich? Ich werde mich. Mich daran gewöhnen. Gewöhnen. Gewöhnen. Ich werde mich daran gewöhnen. Le verbe est gewöhnen et non gewohnen. Gewöhnen avec un umlaut sur le O qui donne Ö. Donc gewöhnen. Ich werde mich daran gewöhnen. Et comment direz-vous je dois m'y habituer? Je dois m'habituer à cela. Ich muss mich daran gewöhnen. Ich muss mich daran gewöhnen. Bien. Comment diriez-vous ça n'est pas facile? Quel est le mot pour facile? Leicht. Bien. En effet, facile, c'est leicht, qui signifie aussi léger. Leicht. Donc, on dit de la même manière c'est très facile et c'est très léger. Es ist sehr leicht. Et le contraire, lourd ou difficile se dit schwer. Schwer. Donc, ce n'est pas très difficile se dit comme ce n'est pas très lourd. Comment diriez-vous cela? Es ist nicht sehr schwer. Oui, es ist nicht sehr schwer. La difficulté se dit Schwierigkeit, car on a deux adjectifs en allemand pour difficile. Schwer, qui en réalité veut dire lourd, mais aussi schwierig. Schwierig, d'où Schwierigkeit. On ajoute Heit ou Keit à l'adjectif. Keine Schwierigkeit veut dire aucune difficulté, pas de difficulté. Comment diriez-vous je ne peux pas m'habituer à cela, c'est très difficile pour moi? Ich kann nicht. Ich kann m'habituer. Mich nicht. Ich kann mich nicht. Es gewöhnen. Ich kann mich nicht à cela. Daran gewöhnen. Bien. Je ne peux pas m'habituer à cela. Ich kann mich nicht daran gewöhnen. Et maintenant, la fin de la phrase. C'est très difficile pour moi. Es ist sehr schwer. Oui. Ou bien schwierig. Schwierig für mich. Bien. Ich kann mich nicht daran gewöhnen. Es ist sehr schwer für mich. Ou es ist sehr schwierig für mich. Comment diriez-vous on doit s'y habituer? C'est-à-dire on doit s'habituer à cela. Man muss. Man muss, oui. Man muss. Donc on doit s'habituer à cela. Daran. C'est un verbe avec sich. Man muss. Ah, man muss sich. Sich. Daran gewöhnen. Bien. Man muss sich daran gewöhnen. Sich gewöhnen. Sich daran gewöhnen est très courant en allemand. Comment diriez-vous je m'y suis finalement habitué? Je me suis finalement habitué à cela. Finalement ou à la fin se dit endlich. Endlich. Et pour plonger dans le passé de gewöhnen, on utilise le verbe haben. Je me suis finalement habitué à cela se dira donc ich. Ich habe mich endlich daran gewöhnt. Bien, Ich habe mich endlich daran gewöhnt. Revenons maintenant au verbe se souvenir, sich erinnern. Je me souviens se dit ich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, oui. Comment dit-on je me suis souvenu? Ici encore, à la différence du français, il faut plonger dans le passé à partir du plongeoir haben. Ich. Ich habe mich erinnert. Bien. Ich habe mich erinnert. Avec erinnern, comme avec gewöhnen, on utilise an pour dire se souvenir de. Erinnern an. Comme gewöhnen an, s'habituer à. Comment dira-t-on je ne me souviens pas de cela? Ich erinnere mich nicht daran. Bien. Ich erinnere mich nicht daran. Et maintenant, je ne peux pas me souvenir de cela. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich nicht daran erinnern. Bien. Et comment diriez-vous, je ne pouvais pas me souvenir de cela? Ich könnte. Reprenez. Ich konnte. Bien. Ich konnte. Oui, c'est je pouvais. Ich konnte. Donc, je ne pouvais pas me souvenir de cela. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Ich konnte mich nicht daran erinnern.